Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie, vous nous racontez que vous étiez en train de remplir le lave-vaisselle quand tout à coup, j'ai pensé à une chronique du Monde parue sur le sujet, parce que je mettais les fourchettes avec les cuillères, que les assiettes étaient, c'est vrai, un peu collées et non rincées au préalable, je me suis vue accablée d'une série de questions. Pourquoi tu ranges comme ça, pas comme ça, blablabla. Jusqu'au coup fatal, j'étais la personne désorganisée. Alors ça aurait pu être autre chose, hein, illogique, sale, pas rigoureuse. L'important est ce moment où la discussion a pris ce tournant critique, aboutissant au point qu'on pourrait nommer le point essentialisant. Ça peut être une discussion de couple, un repas de famille, un débat politique, surtout des débats politiques, peu importe. Soudain, l'échange ne porte plus sur des arguments, ce qu'on pourrait appeler le fond de la discussion. Il ne porte pas non plus sur la forme, le ton plus ou moins agressif, la logique ou pas du déroulé, mais porte soudain sur la caractérisation de l'interlocuteur. Et quand on y pense, la récurrence et même la banalité, c'est vrai que c'est pas très original ce que je suis en train de dire, de ce tournant communicationnel a de quoi interpeller. Pourquoi ne pas discuter mais s'en prendre à celui avec qui on discute? Oui, vous êtes d'accord? Absolument, et c'est vrai que c'est assez banal hein, comme stratégie de discussion, mais ça ne concerne pas non plus tous nos échanges. Alors c'est vrai, on ne s'en prend pas tout le temps à l'autre. Nous, par exemple, en ce moment même, Guillaume, mais vous avez employé le bon mot, celui de stratégie. Le fait de viser l'autre et non plus ce qu'il dit relève bien du stratagème politique plutôt que de la conversation. En cela, il faut bien distinguer les échanges de pure communication. Météo, par exemple, t'as froid, il fait beau aujourd'hui, trucs comme ça. Ceux où on tente d'atteindre la vérité, type les échanges de Socrate, les dialogues de Socrate, bon ça arrive peut-être moins en ce moment, et ceux que Arthur Schopenhauer appelle disputes ou controverses et qui nécessitent un certain art. L'art de la controverse est celle à laquelle on recourt pour avoir raison, que ce soit le cas ou non. Car on peut en effet avoir objectivement raison et pourtant aux yeux des spectateurs ou encore de soi-même, avoir tort. Cet entêtement à ne pas user de sa raison, mais à seulement avoir raison en apparence, donc sembler ulcéré Schopenhauer. Ça ne l'a pourtant pas empêché d'écrire l'art d'avoir toujours raison et d'y fournir des armes pour donner tort aux autres, dont celui de les toucher en plein cœur. Passons sur cette ambiguïté du philosophe. Ce qui est frappant ici, c'est que cette tendance à la controverse 1. Semble avoir contaminé les autres types d'échanges, débats sur le Covid qui sont des règlements de compte par exemple, ressenti météo ou vaisselle qui deviennent des confrontations et 2. Révèle bien ce paradoxe qu'on ne dispute jamais, d'ailleurs on ne dit jamais ça, mais que par contre on se dispute toujours. Oui d'accord, on ne dispute pas, on se dispute et alors est-ce que c'est très grave? Grave, dangereux, non. Grave, important, oui, car dans la suite de son traité sur l'art de la controverse, Schopenhauer précise que l'attaque à la personne n'arrive qu'une fois qu'on a épuisé tous les autres stratagèmes, diversion, provocation, dissimulation, pour avoir raison. On ne sait plus quoi dire, mais on doit encore parler. On peut encore gagner, alors autant s'en prendre à l'autre. C'est-à-dire, j'en reviens à l'essentialiser. Soit en relevant tous ses écarts entre ses propos et ses actes, soit carrément en l'insultant. Dans tous les cas, en le jugeant ad hominem ou ad personam, et oui c'est du latin, dans tous les cas sur ce qu'il est. Et c'est ici que c'est grave, grave, car est soulevé ce problème, tout type d'échange est-il potentiellement un échec ? Dans le sens où rien n'est échangé sur le fond, ou au contraire, tout type d'échange est-il en fait tout le temps réussi, dans le sens où on a exprimé le fond de notre pensée et on est parvenu, en jugeant l'autre et en se révélant soi-même, à se prononcer sur cette grande question de l'être.